pas mal de questions. En tout cas, oui. Je pourrais juste en poser une, parce que vous avez, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand on parle des espaces du mouvement, de la marche, etc. C'est la question des aspérités et de ces fameux frottements. Oui. Alors, moi, je voudrais, bon, puis avec souvent une critique un petit peu en sous-jacente sur des espaces peut-être plus lisses, ou je ne sais pas comment dire, peut-être plus normés. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que ça signifie, en fait, le frottement ? Assez facilement. Je crois que c'est très différent de traverser dans une ville un terrain vague, très long, ou de se trouver ici dans le centre de Grenoble en suivant la ligne du train. Alors il n'y a pas l'un ou l'autre, mais il peut y avoir peut-être l'un et l'autre. Et il me semble que, moi j'habite Bruxelles, qui est une ville beaucoup, beaucoup plus chaotique que Grenoble ou que Lille, par exemple, pour en prendre deux. Et je trouve que beaucoup de villes où l'on parle de mobilité, où on a installé un tramway, etc., qui facilite forcément la mobilité de tous, annulent quand même une série d'éléments qui pour moi sont des frottements, des aspérités, qui sont aussi inattendus. C'est-à-dire que de plus en plus de villes envisagées d'une manière paysagère, avec comme fonction première la mobilité, elles se ressemblent et se lissent. Et finalement, elles évacuent aussi bien les terrains vagues que les habitants des terrains vagues, que les marginaux, c'est-à-dire on fait des villes propres, et il y a très peu de... finalement d'éléments qui font aussi partie d'une vie. Je sais pas si j'ai... partie peut-être. Ben, peut-être que vous allez pouvoir continuer et expliquer avec la question que je voulais vous poser. Vous appuyez un petit peu sur l'opposition entre le marcheur et le piéton. Oui. Ça, c'est la toile de fond que vous nous avez présentée. Et elle rejoint une préoccupation qui est très très fréquente et très récurrente dans les préoccupations du Cresson ici. C'est la distinction entre ordinaire et remarquable. Et c'est une distinction qui est très très difficile. Parce que je crois qu'elle a le mérite de valoriser une de ces deux attitudes par opposition à l'autre. Là, vous nous avez fait un descriptif du marcheur, un éloge du marcheur, au détriment du piéton. Et je ne suis pas sûr que cette position-là, je vous pose la question, je ne tranche pas, soit aussi intéressante sur le plan de la connaissance que l'essai de dépassement de cette opposition par justement l'attitude poétique qu'on avait retrouvée tout à l'heure, que nous a présenté Anne de Jarigeon aussi, dans un autre domaine, et vous qui avez cette attitude-là, mais envisagée comme poésie, c'est-à-dire comme pratique. Et on s'aperçoit, quand on analyse les choses, que ce n'est pas aussi tranché que ça. Que le marcheur qui est dans un parc balisé par des chemins de randonnée peut être exactement comme dans une rue piétonne. Du point de vue de sa consommation d'image, du point de vue de son rapport à l'environnement. Et que le piéton qu'on va juger effectivement peut-être plus banal, plus dans un territoire complètement codé, etc., aura peut-être une aventure qui échappera complètement à l'observation, mais qui sera complètement réelle pour lui. Alors, il ne faut pas renverser l'opposition pour valoriser le piéton contre le marcheur, c'est pas du tout ça, bien entendu. Et je crois qu'il y a quelque chose de la dialectique ordinaire remarquable qui serait à dépasser pour enrichir l'un et l'autre plutôt que pour les opposer. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Ben, je suis d'accord avec vous. Je crois que si j'ai fait l'opposition aujourd'hui, c'était pas par provocation, mais pour poser la question, parce que je ne m'étais jamais posé cette question-là. Puis en venant au Cresson, en sachant qu'on réfléchit sur ces problématiques... je me suis dit, finalement, on parle toujours de la ville pour les piétons, etc., mais est-ce que le marcheur, c'est-à-dire une personne qui aime peut-être être confrontée à des espaces moins lisses, pour reprendre une expression qui correspond quand même à la mobilité aux piétons, c'est-à-dire, je suis étonné, ici, par exemple, je sors du tram, c'est au même niveau. Donc c'est très bien, mais je n'ai pas l'habitude de ça. En Belgique, vous sortez d'un tram ou d'un train, vous risquez toujours de vous couper une jambe. Donc c'est bien, mais c'est à un moment donné, c'est dans cette optique. Moi, ce que je vois aussi, c'est que tout sympathie, tout devient le même. Alors c'est évident qu'il ne faut pas faire d'opposition. Cette opposition, elle est peut-être un peu provocatrice, mais je crois que ça va plus loin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, la mobilité et le lissage de la ville devient aussi un prétexte d'exclusion. C'est-à-dire, on nettoie. Et on nettoie toute la ville. Et c'est peut-être ça que je découvre aussi dans la marche. C'est de voir, par exemple, comme les tentes que je vous ai montrées, photographier de l'intérieur du Centre Georges Pompidou, je photographie les stands, je sors du Centre Georges Pompidou et il y a des barrières devant les tentes. On nettoie la ville, ce n'est pas propre. Et je trouve que souvent la politique de mobilité va aussi dans ce sens, c'est-à-dire on accepte plus facilement les personnes avec une poussette, les handicapés, etc. C'est bien, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que en amont ou en aval, mais dans un même sens, on exclut toute une partie de la population. Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas urbain. La distinction n'est pas entre l'urbanité et la campagne, par exemple. Parce que quand on marche dans un parc régional d'ici, de la région, on est exactement comme dans une ville de la région. Si vous marchez à Bombay ou à Téhéran, vous n'êtes pas du tout dans la même ville que Grenoble ou que Bruxelles. C'est ça que je veux dire. C'est que la distinction, elle est plus au niveau des grandes sphères culturelles qu'entre l'urbanité et la campagne, peut-être. Oui, peut-être, mais cette dénomination de mobilité, de ville piétonne, etc., elle appartient à nos villes, quand même. Oui, mais quand vous marchez, vous pouvez très bien être piéton à Téhéran, avec d'autres critères, et pourtant c'est un cadre urbain, oui. par rapport au paysage magnifique que vous nous avez montré, où on est dans des campagnes, ou dans des montagnes, c'est pas ça qui crée la distinction. Non, peut-être, mais la question, pour essayer de dépasser la question que vous posiez tout à l'heure, c'est comment ne pas faire des villes et même des campagnes, mais maintenant on est dans les villes, trop artificielles. C'est ça la question. Et que peut-être que le marcheur, mais comme le piéton aussi, c'est-à-dire le fait d'être à l'extérieur, en principe, c'est nos sens sont beaucoup plus éveillés. Mais à partir du moment où on ne donne pas au corps les éléments d'éveil quotidien, ben il s'aplatit aussi, il va s'aplatir, se lisser comme la ville. Quoi. Mais je n'ai pas du tout de solution. D'ailleurs, la question, pour moi, ne se posait pas tellement, puisque j'ai l'habitude de vivre dans une ville chaotique. Mais en ayant vécu 3 semaines à Barcelone, puis connaissant bien Lille, puis maintenant étant à Grenoble, là, je me la pose vraiment, franchement, cette question. Vous ne serez pas surpris, je suis biologiste, donc ma question est peut-être, enfin, vous paraître étrange. Il me semble, merci d'abord pour la magnifique promenade que vous nous avez offerte, c'était un moment délicieux. La chose que je remarque, c'est que il me semble, donc c'est sous forme de question, il me semble que là, ici, vous avez superposé deux manières de marcher. Une première, qui, par comparaison, si vous voulez, ce qui se passe chez les animaux est quelque chose qui se passe dans un territoire familier. Donc, on marque son territoire, on fait un petit peu ce que va faire Arnard à l'époque de Ruth, c'est-à-dire on le révise, on s'approprie, on le surveille, on le vit avec une, je crois, une intention de le marquer. Et puis, à côté de ça, bien sûr, il y a un nomadisme à grande échelle, et qu'à ce moment-là, il me semble que c'est une situation toute différente. Vous restez marcheur, mais vous êtes explorateur sans volonté de s'approprier peut-être autre chose que des images et une mémoire de quelque chose auquel vous ne toucherez pas. Est-ce que je suis dans la plaque ou pas? Vous allez continuer encore un peu, non? Il y a une question? Non, ma question, c'est est-ce que, oui, vous avez le sentiment de faire cette différence-là entre la pratique dans ce qui, malgré tout, est votre vie, puisque vous avez dit à plusieurs reprises, et puis les explorations que vous faites par ailleurs, vous avez au contraire. Est-ce que c'est ça qui se passe ou bien au contraire, est-ce que vous êtes toujours dans la même attitude d'esprit? Mais il y a que rien ne vous appartient. L'attitude d'esprit, elle est la même. Et depuis que j'ai vendu ma voiture, je me sens encore mieux. C'est-à-dire que il y a un rapport du corps à l'espace qui pour moi est toujours le même, mais il est évident que l'espace étant différent dans une montagne, dans une steppe, d'une ville à l'autre, que les sensations changent fortement. Même si la réception reste la même, c'est pour ça que j'avais mis une marche autour et loin de sa maison. Je sors de chez moi certainement 4 fois par jour parce que j'ai besoin. Donc, d'être dans son quartier au niveau attention de ce qui se passe, puisque bon, si on travaille très seul, on se dit, tiens, on voit une tête, on voit des éléments du quartier. Pour moi, ça reste toujours de la même famille de sensations ou de pensées que d'ailleurs. Donc il n'y a pas pour moi une différence entre le quotidien et les explorations lointaines. Donc, j'ai peut-être pas bien répondu. Si, si. Oui. Mais peut-être pour prolonger la question du monsieur, comment choisissez-vous les villes dans lesquelles vous allez marcher et comment vous vous y prenez, pratiquement, concrètement? Je ne sais pas très bien comment je choisis. J'ai éliminé l'Amérique du Sud parce que pour ne pas avoir trop à faire. Je suis plutôt tourné vers l'Asie et le Moyen-Orient, et puis je suis retourné beaucoup au Moyen-Orient. Et donc, je sais qu'il y a une série de villes où je voudrais bien aller. Bon, avec les événements, tout ça, il faut aussi tourner autour. Donc, des grosses villes en tout cas. Des grosses villes, c'est que j'aime. Et puis, comment je fais? Je prends un billet d'avion, je fais un hôtel pour la première nuit. Comme je m'enracine très facilement, je reste en général dans cet hôtel. Et puis, j'essaie de trouver une carte de la ville et je prends tous les jours des directions différentes. Et j'accorde beaucoup d'importance à la carte parce que si vous prenez une ville comme Bombay, si vous arrivez... qui est une ville très plate, si vous arrivez à un moment donné au centre ou au sud de Bombay, qui s'étend sur plus de 20 km, sans carte, c'est impossible d'avoir une perception. Alors c'est vrai qu'on peut prendre un itinéraire, aller au bout d'une chose, mais ça permet de visualiser une étendue, simplement. L'idée, c'est d'explorer l'étendue ou simplement de se laisser porter par l'étendue? Alors, l'idée, c'est... de plutôt se laisser porter par l'étendue, c'est-à-dire, si je prends une direction sud un jour, mais que en allant chercher un thé 10 mètres au nord, je vois quelque chose encore plus au nord, qui me porte encore plus au nord, et puis à l'est, je suis l'itinéraire. Donc c'est à la fois, si vous voulez, programmé, et à la fois ça suit un peu un papillonnement, comme un papillon qui irait d'une fleur à l'autre. Le thème de la marche à plusieurs est annoncé pour cet après-midi. Quelle est votre expérience de marcher à plusieurs dans cette exploration de vie? Très peu. En général, à part l'une ou l'autre exception, je fais ça seul parce que je trouve qu'à plusieurs, c'est très difficile à un moment donné, par exemple, de rester... Bon, à Bombay, là, il y a Calcutta, je suis resté 2 jours en dessous d'un pont à observer. C'est très difficile de dire à quelqu'un, tu restes avec moi. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Je suis resté dans une petite ville en Mongolie 11 jours où il n'y a rien. Mais j'allais tous les jours dans le même petit restaurant, cantine. Et comme personne ne parlait la même langue, il y avait simplement deux femmes et deux enfants d'une des femmes. J'allais tous les matins et tous les soirs, et puis j'ai commencé à amener des oranges, et puis j'ai fait de la compote, et puis pour induire un lien, mais c'est très difficile de faire ça à plusieurs. Parce que ça suit un rythme qui suit le rythme de l'espace, qui suit le rythme de rencontre, qui suit le propre rythme, c'est un peu mon propre rythme d'exploration quand même, simplement d'arriver quelque part à un petit bout de quelque chose, donc c'est difficile. Ça doit être bien, hein, mais je ne peux pas dire que j'ai l'expérience. Samuel, bon, en rebond sur la remarque en question, je comprends les réticences sur faire passer une dénivellation de valeur entre la figure du piéton et du marcheur. En même temps, ça m'intéresse, et en neutralisant cette différence, je me suis dit, c'est marrant, il y a deux mots là, on se sert soit indifféremment de l'un, enfin de l'un et de l'autre, soit on fait passer une différence. Et j'avais jamais réfléchi, donc peut-être à cause de l'exposé précédent qui était assez sémiotique structurale, piéton, alors je ne sais pas, faudrait faire l'analyse, l'émergence du terme, j'ai pas fait cette analyse-là, mais ça suppose automobile et automobiliste, sans doute. Et donc le piéton est désigné comme tel dans un environnement où il y a d'autres modes de communication. Et marcheur, à ce moment-là, si on fait la même démarche, enfin le même raisonnement, il faut l'opposer à coureur, par exemple, ça marcherait, hein, je veux dire. Et du coup, alors si vous donnez cette opposition un peu normative, il est évident que marcheur, ça implique, à mon avis, l'idée de marcher pour marcher. Et donc, on est effectivement dans l'exploration, dans une dimension esthétique. Et donc le problème est résolu, quoi. Voilà. Chose que je voulais dire. L'autre chose, marcher à plusieurs, effectivement, c'est plus difficile, mais je pensais à une figure esthétique qui n'est pas de la marche à plusieurs. Je pense au film de Wim Wenders où on voit les gens marcher ensemble, mais plus carrément un genre cinématographique qui est équipé en automobile, c'est pas des piétons, c'est des automobilistes, mais qui est le road movie, qui est bien la traversée simultanée et synchrone d'un paysage qui défile et qui remplit d'une certaine manière ce contrat, de, comme vous dites très bien, de porosité maximale et peut-être même intensifié par le commerce de ce qui se passe dans la voiture. Moi, je pensais à ça en rebond, en vous écoutant. Voilà. Bon, pour revenir sur la distinction, la plupart du temps, je me sens piéton parce que je circule dans des villes où il y a des voitures. Mais peut-être que dans nos villes lycées, encore une fois, peut-être que le rapport entre piéton et voiture ne se fait pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il faut exclure complètement la voiture. Et je pense simplement, je me dis souvent à Bruxelles, pourquoi on ne parvient pas à faire des systèmes comme à Téhéran, où chaque voiture est un taxi potentiel. Et là, franchement, il y a un lien entre le piéton, puisqu'on parlait du piéton, et la voiture qui est assez extraordinaire, parce que on peut monter dans n'importe quelle voiture, on donne une petite pièce, et là, il y a un lien qui s'opère. Alors, pour reprendre l'idée du marcheur qui marche plus par choix, par volonté, moi, je me sens continuellement un marcheur, mais un marcheur parfois brimé, étouffé par la ville telle qu'elle devient. Mais ça dépasse évidemment la marche. Là, c'est parce qu'on prend le thème de la marche. Moi, je peux prendre ce thème-là sur comment la ville est habitée. C'est-à-dire que tous les centres sont lycées, ce sont des musées, et on exclut la vie, quoi. Alors que je le prenne d'un point de vue, si vous voulez, d'urbaniste, d'architecte, de marcheur ou d'habitant, je le sens. Et j'habite un quartier très, très métissé à Bruxelles, près du quartier Matongé, qui est un quartier noir. Mais je sais qu'à un moment donné, Bruxelles n'échappera pas à ça. C'est-à-dire, où les gens, où la ville va, à un moment donné, exclure. devenir comme des musées, et finalement, où toutes les grandes villes, les solutions qu'on trouve aussi pour les piétons se ressemblent. Alors, j'ai pas de solution. C'est simplement, peut-être, si je peux dire quelque chose, c'est d'ouvrir, toujours d'ouvrir, de ne pas regarder trop cet axe mobilité, piéton, glissade. Une dernière question dans la salle, de dernier. Vous faites très souvent, vous dites très souvent qu'en fait la ville actuelle glisse les rapports à l'espace. Moi je pense qu'en fait, cette nouvelle mobilité, elle génère en fait d'autres points qui sont peut-être à préciser. Moi, ça me gêne un peu cette espèce de nostalgie qu'il y a de la ville avec des aspérités, etc. Parce qu'à mon sens, c'est une bataille inutile, et le fait même de générer des nouvelles mobilités générera forcément de l'entropie et je pense que c'est un dépassement de tout. Là, je suis d'accord avec vous que la mobilité, enfin je l'espère, devrait engendrer d'autres types de relations. Ça, je suis d'accord. Mais je redis quand même que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, j'ai pas fait du tout, que tout ce qui se passe au niveau de la politique urbaine et notamment de la mobilité. On pourrait prendre d'autres thèmes qui prétextent à autre chose, comme le terrorisme par exemple. Toute cette politique de mobilité, tout ça, exclut énormément de personnes des villes. Et ça, je suis à peu près sûr. C'est-à-dire qu'on voit, on ne peut pas regarder, si vous voulez, la politique paysagère de la ville, cette politique de mobilité, cette politique de lycée, on ne peut pas la faire, à mon avis, en se demandant, mais est-ce que cette politique ne dépasse-t-elle pas des habitants, tout simplement? Et moi, j'ai l'impression que tout ça participe de décisions qui vont dans un sens. Oui, il faudrait. Non, allez-y. Quelqu'un qui voulait poser une question au fond de la salle. Excusez-moi, je suis à fond. Bon, moi, c'est simplement une question sur la carte et la trace. C'est-à-dire que dans la présentation, au début, il y a une dimension pédagogique. Comme si certaines cartes, finalement la carte de Echarlon ou la trace d'Echarlon ou les cartes d'autres auteurs comme Carrelli, finalement, on pouvait déplacer le champ de la perception de la ville, mais beaucoup plus loin, c'est inventer donc une autre représentation. Ce qui m'inquiète, ce que je n'arrive pas très bien à percevoir, c'est comment ces différentes représentations modifient finalement la perception, je dirais presque, du marcheur quotidien ou de l'analyste. C'est parce que, en fait, on voit très bien que les situationnistes sont restés dans un champ culturel, finalement, après avoir voulu impliquer par la représentation d'une trace une autre dynamique de la perception. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de mode, enfin, plus rien de l'ordre, ou pas grand-chose, de l'ordre d'une émotion nouvelle. Et je me demande comment, dans le fond, les cartes, qui sont des cartes très normées, très construites par des gens qui urbanisent l'espace, qui conçoivent, quel rapport et par quels interlocuteurs se situe cette interaction entre production de traces des cartographiques sur un champ poétique et les autres. Ce qui m'inquiète beaucoup dans cette histoire-là, c'est que finalement, en général, on divise le champ culturel entre un champ poétique de la représentation et un champ d'action. Est-ce que je... Bon, il y a beaucoup à dire sur les cartes. Peut-être qu'un texte intéressant, c'est un texte de Sarto, qui prend une enquête aux États-Unis, et qui montre qu'en fait la plupart des gens en principe scénarisent les espaces. Et donc, j'ai donné beaucoup de cours en architecture. Souvent, avec les étudiants, je tentais avec eux de scénariser l'espace. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait un plan, que ce soit le plan d'une maison ou le plan d'un quartier, c'est avec le crayon, sur le plan, de voir comment on peut pressentir la vie de l'espace qu'on dessine. Et d'essayer de dépasser l'abstraction du plan et de changer ce plan par rapport à une scénarisation. Ça répond peut-être à un élément de la question ou pas? Si vous voulez, on peut peut-être continuer. Il y a encore une question. Une dernière question et on s'arrête. Et on peut en reparler. Voilà. Oui, je reviens sur la ville qui est plus ou moins lisse, qui devient plus ou moins lisse. Bon, je suis marcheur et piéton, on va mettre les deux, beaucoup même. Et je suis un grand pratiquant du centre-ville de Grenoble, de la ville de Grenoble, pardon. Et je regarde par exemple les changements qui sont opérés sur Grand Rue à Grenoble depuis pas mal de temps, depuis une trentaine d'années presque, et avec la piétonisation et tout. Je ne trouve pas qu'elle devienne plus lisse dans le sens où vous semblez le dire, mais je pense qu'il y a des transformations d'usage qui font que les gens ne l'utilisent plus de la même façon. Et tout le monde. Et par exemple, pour ne citer que la banlieue, banlieue sud, quartier sud ici, use de la rue, d'un grand rue, par exemple, le samedi après-midi. Qui transforme complètement l'espace et qui transforme complètement du coup la pratique. Ils viennent se montrer, ils viennent faire leur théâtre, ils viennent causer, ils viennent travailler, faire plein de choses. Et du coup, nous autres habitants du centre-ville, on a un comportement corporel, y compris corporel, qui est très différent. C'est-à-dire qu'on n'évite pas les gens le samedi après-midi comme on les évite en fin d'après-midi dans la semaine. On a une nouvelle manière de marcher qui est presque un peu plus dansé, alors que dans la semaine, on passe à droite, on a une culture automobile un peu. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui... C'est une transformation qui n'est pas vraiment une exclusion, parce qu'il y a beaucoup plus de SDF maintenant qui habitent le centre-ville qu'avant. Donc avec Jean-Chien et tout, c'est comme ça. Voilà. C'était une remarque. Bon, merci. Je crois qu'il y a encore quelques questions. Je suis désolée, mais pour des questions de planning, on est obligé d'arrêter là.